l'âme, on n'a pas de prix à clasher d'une pute qui s'achète. On rentre tard à la maison, c'est la daronne qui s'inquiète. L'union fait la ce fort, on est deux sur le deux roues. J'ai silex dans les poches, je vais prendre scalap au feu rouge. Les mains dans la farine, ouais ma gueule faut du pain. Je traîne avec des dealers, des mecs comme Arsène Lupin. On veut tous la vie de rêve, ça vaut la mort en sachet. Tout le monde reste à l'affût, la focus est passée. Elle dit qu'elle m'aime, mais je sais que au fond c'est du bidon. Y'a que pour ma fille, je pourrais tout claquer chez Louis Vuitton. Rien n'a changé, c'est la même équipe dans le Vito. Y'a 5 étoiles, c'est salope pour amener l'hélico. Je suis glad un peu que DJ Belek vient décoffrer. C'est brave d'eux et c'est un truc, je vais la découper. Assoiffé de pif, je me sens pas bien, j'ai le hockey. Depuis tout petit, maman m'a jamais donné de goûter. On n'est pas là pour dodo, faut tout niquer cette année. Tu sais, j'ai fait de la scala, ton daron fera jamais. Y'a ceux qui se sont rentés et ceux qui tiennent les manettes. Moi, je me comptais sur mes gars, y'a des gros traits comme d'un. Écoutez de Sani jusqu'au Luxembourg. C'est devant les forts de l'or qu'on fait les hommes sourds. C'est avec les vieilles casseroles qu'on fait les bonnes soupes. Jamais pas la cité, j'ai pas fait trop de scouts. La richesse depuis mineur. Besoin personne pour foutre le fire. Tout le monde bipi, jamais la meilleure. Besoin personne pour foutre le fire. Le petit bac,